grand maître Godem Bilinyama, papa na maître Godzilla. Yoka papi pepi, na lindanda ya makosona, ndeke morison sadam, Flavien Makabi, e Suzuki Luzubu, yoka kilo ya kisasa. Na likolo zamba zalaka semoko, iso anaseto zalaka bato ebele, loposo na loposo, minoko na minoko, ikolo na bikolo. Kasi tole la kase moto moko nzambe Okonzi ya mokili oyo mobimba ala Chris Mulenda Motema mama Brigitte Galo Ina nini inga inalela yanga sherite Awa toboti mwana topesi kombo dimpinda dina Valentin Bogos Sheri nanga ane paku Chéri nanga ane paku Oko vivre nda yoti suka ya la vie nanga Papi pepi Anto le boski Oge misapia mutema no sadami ndeke Mamana Awe Valentin Boli mwenanga ya Kako si yona lele rose ponini Je suis très amoureux de toi Selekete ale kaka wenze popite selekakie C'est vrai Membe a kota kazando dusemo Banana ye balala kanzalate Eye mbavadio mambenga akenda Tambula malembe mokili ya bato Okendeke malembe mokili ya bato Tambula malembe mokili ya bato L'amour est une maladie contagieuse qu'on ne pourra jamais guérir sur le cœur d'un être humain. Je t'aime toujours. Mamana, Valentin, Bako Siona, Lele Rose Ponini, Claudine Ebola. Je suis très amoureux de toi. Mamana Yerosha. Selekete ale kaka wenze pofite selekakie Membe akota kazando dusemo Banana ye bakufa kanzalate Eye mbavadio mambenga akende Totambola malembe na mokilio ya nzakomba Rien de durable ne se construit avec facilité Je regrette, je suis désolé Anne Paco Nono Lomboto Kote utina yo Koka mwate Koko dimpinda Yo holo bakiri nangate Yoko bala Maa Sheri nanga Olingwa bomwala Pasiye Jean David Isaluki afwanzambie Jean-Claude Yala Olingwa bomwala Pasiye papi pepi Isaluki afwanzambie Suzuki Luzubu Monido de monido de Papi, bébé, les sélectionnés. Sorina, bengi yote. Et bah, vous. Jean Petit Jouet, Bana Savini Silorge, Jopé. Oye Zali Banzembo, Yarobina na pantalon taille basite. Kave Oye, Serge Gabango. Moi la vie Tony. Oye za penza, maman kangi papa, papa simbi mama. Bomba Lumumba, Padu Simba, TTC, Yabino Yango ya Malembe. Je suis la Gabonaise. Je n'ai pas connu l'ivoirienne. Claudine Lonzoka. Matapolo, motema ya honnête, yosu, na Bilbao. Maman Simba Julienne, Mami Chozoa, Mirei Kakemiko, Elajima Nsenga, Meda Zulu Julien, Tatata Mosi a Papi Ike Pizignon. Vien Kolo, Bana Wadi, Vien Nanga Mukoko, Vien Rikisu, Mabuki Makartier Teme, Mabuki Loje Bangoko.